âge du monde à votre âge, c'est immonde de vivre sur le cul de ces individus qui n'ont pas plus à dire que Raoul sur sa tire, c'est un machiste adore. Et je sais qu'elle m'adore. Non, non, non, y'a pas de là. Oh, machiste adore. J'ai le mouvement en poche et d'un pas pragmatique, je pratique la drague, mais ma poitrine est en berne. Il faut y remédier pour jouer au salaud comme les fils de John Wayne avec un long manteau, un chapeau. Non, pas la peine. Même les jours difficiles, j'ai toujours les mots piles. Ici c'est un machiste adore. Et je sais qu'elle m'adore. Non, non, non, y'a pas de l'heure. Ah, oh, machiste adore. Machiste adore. Et je sais qu'elle m'adore. Non, non, non, y'a pas de l'heure. Ensemble, macho, macho, machistador, macho, macho. Macho, macho, machistador, macho, macho. Allez, macho, macho, machistador, macho, macho. Macho, macho, machistador, macho, macho. M, Machistador sur RGM. Allez, comme ça, on est tout en rime ce matin. Il est un peu plus de 8h37 et on va parler anniversaire avec tous ceux qui sont nés un 21 décembre 1936, naissance d'Henri Guibé. Acteur français, vu des aventures de Rabbi Jacob dans le rôle de Salomon, La moutarde me montonnait, Le retour du grand blond. On a retrouvé la 7e compagnie et la 7e compagnie au clair de lune dans le rôle de Tassin, vu également dans Le Guignolo ou encore Ah, si j'étais riche. 1937, naissance de Jane Fonda, actrice américaine, vue dans Les Liaisons Coupables, Barbarella, Clute dans le rôle de Brie Daniels, récompensée par l'Oscar de la meilleure actrice, vue également dans Julia, Le Retour dans le rôle de Sally Hyde, récompensée également par l'Oscar de la meilleure actrice, Comment se débarrasser de son patron ou encore Le Majordome dans le rôle de Nancy Reagan. 1947, naissance de Greg Germain, comédien français de doublage, connu pour être la voix française régulière de Will Smith. 1948, naissance de Samuel L. Jackson, acteur américain vu dans Les Affranchis dans le rôle de Stax Edwards, Jungle Fever dans le rôle de Gator Purify, récompensé par au Festival de Cannes par le meilleur second rôle masculin. On vit également dans Alarme Fatale, Jurassic Park, Pulp Fiction dans le rôle de Jules Winfield, Le Droit de Tuer, Hors d'Atteinte, Star Wars 1, 2 et 3 dans le rôle de Mass Windu, Triple X 1 et 2 et Triple X Reactivated dans le rôle d'Augustus Gibbons, SWAT Unité d'Élite dans le rôle de Dan Harrelson alias Hondo, Kill Bill Volume 2 et on le connaît pour son rôle de Nick Fury dans Iron Man 1 et 2, Thor, Captain America First Avengers, Avengers, Captain America, le soldat de l'hiver, Avengers, l'ère d'Ultron, Avengers Infinity War, sorti il y a quelques mois maintenant. Il sera également à l'affiche de Captain Marvel, sortie prévue en 2019, tout comme Avengers 4. Vu également dans Django Unchained, dans le rôle de Stephen, dans Les 8 salopards de Quentin Tarantino, dans le rôle du major Marquis Warren, alias The Bounty Hunter, et en 2016 dans Tarzan, dans le rôle de George Washington Williams. C'est également l'année de naissance de Thierry Mugler, styliste et grand couturier français, créateur de vêtements et de parfums. 1954, naissance de Chris Evert, ancienne joueuse de tennis américaine ayant fait carrière de 1972 à 1989, qui a été numéro 1 simple en 1975, qui a gagné 7 fois Roland-Garros, 6 fois l'US Open, 3 fois Wimbledon et 2 fois l'Open d'Australie. En double, elle a été 13e mondiale en 1988, elle a gagné 2 fois Roland-Garros, 1 fois Wimbledon, 1 fois finaliste à l'Open d'Australie, demi-finaliste à l'US Open et elle a remporté remporté 8 Fed Cup de 1977 à 1982, ensuite en 86 et la dernière remportée en 89. 1955, naissance de Jen Kaczmarek, actrice américaine connue pour son rôle de Lois dans la série télé Malcolm. 1957, naissance de Ray Romano, humoriste acteur américain connu pour son rôle de Raymond Baron dans la série télé Tout le monde aime Raymond, et il est la voix originale du mammouth Manny dans la saga L'âge de glace. 1959, naissance de Corinne Touzé, actrice française connue pour son rôle de l'adjudant-chef puis lieutenant Isabelle Florent dans la série Une femme d'honneur, vue également dans Valentine, ainsi que la suite Valentine et compagnie dans le rôle de Valentine, ou encore la série Interpol dans le rôle de Louise Verneuil. 1966, naissance de Kiefer Sutherland, acteur britannique et canadien, vu dans Young Guns 1 et 2, Les Trois Mousquetaires, Le Droit de Tuer, Fun Game, 24 heures chrono bien évidemment dans le rôle de Jack Bauer, ou encore Touch dans le rôle de Martin Boom. 1969, naissance de Julie Delpy, actrice française vue dans Today's in Paris ainsi que Today's in New York, ou encore Avengers, L'ère d'Ultron dans le rôle de Madame B. 1971, naissance de Mathieu Chédid, plus connu sous le nom de M, chanteur et musicien français. 1972, naissance de Passy, rappeur français. C'est également l'année de naissance de Frédéric Lerner, chanteur et musicien français. 1977, naissance d'Emmanuel Macron, ancien fonctionnaire français, président de la République française depuis le 15 mai 2017. 1979, naissance de Guillaume Santou, humoriste français, connu pour le duo Garnier et Santou, découvert dans l'émission On ne demande qu'à en rire. 1985, naissance de Nicolas Almagro, joueur de tennis espagnol, professionnel depuis 2003. Et meilleur classement ATP, la 9e place atteinte en 2011, meilleure performance en Grand Chelem, sont des quarts de finale à l'Open d'Australie ainsi qu'à Roland-Garros, 8e de finaliste à l'US Open et 16e de finaliste à Wimbledon. Et à noter qu'en 2008, il avait remporté avec l'Espagne la Coupe Davis. En 1824, décédé James Parkinson, médecin et paléontologue anglais. En tant que médecin, il a marqué l'histoire de la neurologie pour avoir décrit avec précision en 1817 une affection jusqu'alors méconnue dans un essai intitulé « Un essai on the shaking palsy ». Cette maladie de Parkinson, appelée « paralysis agitans », paralysie agitante, sera plus tard renommée en son honneur, la maladie de Parkinson. Et en 1940, décédé Francis Scott Fitzgerald, romancier américain. Il est celui qui a d'ailleurs lancé la carrière d'Ernest Hemingway. Dans ses œuvres principales, nous pouvons citer Beau et damné, L'étrange histoire de Benjamin Button, Gatsby le magnifique, Tendre et la nuit, ou encore Le dernier Nabab. Allez, on va tout de suite marquer une petite pause musicale avec Passy qui va nous envoyer au soleil. Ça va nous faire du bien avec le temps exécrable qui fait aujourd'hui. Laisse parler les gens. Hey yo, ratatatatatata, yeah man, special combination, Jocelyne Chela, original tune, yeah man, respect all time. Laissons parler les gens, laisse parler les gens. Moi je viens d'Afrique et tu viens d'ailleurs. Laisse parler les gens, Passy, sur le 107FM, un peu plus de 8h46, on fait un point météo. La météo. Alors aujourd'hui, eh bien, ce sera une météo maussade, hein, très maussade d'ailleurs. On va passer la journée sous la pluie avec des rafales de vent. Donc soyez vigilants sur la route. Des températures comprises entre 6 et 7 degrés ce matin, entre 8 et 10 degrés pour cet après-midi. Pour samedi, ce sera de la pluie, des températures comprises entre 8 et 9 degrés le matin, entre 9 et 11 degrés pour samedi après-midi. Dimanche, on passera la journée sous la pluie. Pluie, des températures comprises entre 7 et 8 degrés le matin, entre 9 et 11 degrés prévus pour dimanche après-midi. Et pour Noël, eh bien, ce sera pas trop mal, hein. Lundi, 24 décembre, on aura de la pluie le matin. Ensuite, on devrait avoir du soleil pour lundi après-midi. Des températures comprises entre 5 et 6 degrés le matin, entre 8 et 9 degrés normalement pour lundi après-midi. Et pour mardi, jour de Noël, eh bien, on passera la journée sous le soleil. Si ça ne change pas d'ici là, bien évidemment. Des températures qui devraient être comprises entre 2 et 3 degrés le matin, entre 4 et 5 degrés prévues pour mardi après-midi. Et en raison de ces conditions météorologiques d'aujourd'hui, le domaine skiable de Gérardmer ouvrira samedi. L'ouverture était prévue pour aujourd'hui, mais à cause du vent, c'est repoussé à samedi. Et à noter que samedi soir, il n'y aura pas de nocturne, hein, toujours à cause du vent. Voilà pour la météo, et on passe tout de suite à l'actualité sportive. Les résultats sportifs. Et on commence avec le biathlon, avec l'étape à Nové Mesto, le sprint messieurs hier qui a été remporté par Johannes Bö, qui a été tout simplement stratosphérique. Hein. Il a écrasé toute la concurrence, impérial au tir et alors sur les skis, une vraie fusée. Deuxième, c'est le russe Louginov et troisième, le suédois Ponsiljoma, à vos souhaits. Par contre, la grosse découverte nous est venu de Martin Fourcade avec un 6 sur 10 au tir. Il termine à plus de 2 minutes hein, de Johannes Bö. Bon, en temps de ski, il n'est pas trop mal hein, parce que Johannes Bö met une minute à tout le monde. Hein, mais voilà, Martin Fourcade termine 43e. Le meilleur français sur ce sprint, c'est Simon Détieux avec une 5e place. Meilleure performance depuis le début de la saison. Hein. Petit à petit, il se rapproche du podium. 7e, Antonin Guigona. 12e, Quentin Fillon-Maillet. Donc 43e, Martin Fourcade, 45e Émilien Jacquelin, 79e Aristide Bègue. On retrouvera donc tous ces Français ou presque sur la poursuite qui aura lieu demain. Aristide Bègue n'est pas qualifié pour la poursuite et Martin Fourcade a déclaré qu'il faisait une croix sur la poursuite de samedi. Il donnait rendez-vous pour la Mastart de dimanche. Et à noter que Florent Claude a été un petit peu plus en difficulté sur le sprint hier. Il termine tout de même à une 36e place, donc on le retrouvera lui aussi lors de la poursuite de samedi. D'ailleurs, Martin Fourcade, hein, qui a déclaré à nos confrères hein, de la chaîne L'Équipe, ce n'était pas une mauvaise course jusqu'au tir debout, mais j'ai alors pris les choses à l'envers, j'ai voulu mettre la vitesse avant la qualité. C'est quelque chose qui ne me réussit jamais, je n'ai pas eu la lucidité pour sortir de ce schéma et ça donne une belle fessée à l'arrivée, je suis très déçue. Il faut que je retrouve de la fraîcheur dans la tête qui me fait être dans un cycle positif. J'ai du mal à regarder vers l'avant comme Bö le fait très bien. Il va très vite, il a fait une course extraordinaire, mais ce n'est pas inaccessible, il faut juste que j'évolue à mon meilleur niveau. Il a déclaré donc par la suite hein, faire une croix, comme je vous le disais, sur la poursuite de samedi, et peut-être même par la même occasion une croix sur le gros globe, hein. Mais bon, la saison est encore longue, il peut se passer énormément de choses. Allez, dans le programme du biathlon, eh bien aujourd'hui nous retrouverons les dames hein, pour le sprint à 17h30, samedi ce seront les poursuites, donc messieurs, rendez-vous à 15h. Pour les dames, ce sera à 17h. Et dimanche, on terminera de la plus belle des manières avec les Mastart. Personnellement, c'est une course que j'adore. Pour voir les hommes, ce sera à 11h45. Et pour les dames, ce sera à 14h30. Et en IBU Cup, aujourd'hui, aura lieu un super sprint et samedi, un sprint. Allez, on parle hockey sur glace avec l'affiche des demi-finales de la Coupe de France qui auront lieu donc donc les 16 et 17 février prochains. Ces demi-finales opposeront Amiens à Strasbourg et Lyon à Chamonix. Un mot de football avec tout d'abord en Ligue 2 le derby entre Metz et Nancy qui a été reporté. Et en Ligue 1, samedi, Angers reçoit Marseille, Lille-Toulouse, Monaco-Guingamp, Montpellier-Lyon, PSG Nantes, Reims-Caen, Rennes-Nîmes, Saint-Étienne-Dijon et Strasbourg-Nice. Et dimanche, on aura rendez-vous avec Bordeaux face à Amiens. Et on termine cette actu avec du basket en Pro B. Samedi, Nancy reçoit le club de Denain-Voltaire. C'est tout pour l'actualité sportive de cette année 2018. On marque une pause avec Frédéric Lerner et le titre « Plus là ». À côté de l'autre et partager sa vie, aimer tout ce qu'il est, son odeur, ses gestes aussi, avancer côte à côte et s'arrêter ici, au milieu des regrets et de tout ce qu'on s'est dit, le souvenir de l'autre est tellement précis. On l'entend, on le frôle, on caresse son ombre la nuit. Le temps pousse à la faute et on en paye le prix. Avoir le premier rôle et plus rien aujourd'hui. On est si peu de choses quand l'autre s'en va. Quand le manque s'impose, quand on n'a plus le choix, on apprend tant de choses, quand l'autre n'est plus là, plus là. On refait son décor, on range les photos, on a peur. Quand on sort, on se dit que c'est trop tôt. On est mal dans son corps, on ne se trouve pas beau. L'impression d'être mort sans l'autre contre sa peau. On est si peu de choses quand l'autre s'en va. Frédéric Lerner sur RGM, un peu plus de 8h55. C'est déjà l'heure de se dire au revoir. Avant de se quitter, on fait un point sur ce qui vous attend aujourd'hui. À 9h, il y aura un épisode de Ours et Carottes. 13h30, la rediffusion de la chronique de Mathilde. 14h, Dominique. 15h, Just Time de Radio Déclic. 18h, l'heure des loups, la dernière. Je passerai d'ailleurs faire un petit coucou. À 21h, ce sera Mosaïque avec François. Et quant à nous, eh bien, je vous l'ai dit, on se retrouve en direct le 3 janvier prochain. Et on se retrouve également le lundi 24 à midi et en rediffusion à 19h où on vous a préparé avec une partie de l'équipe d'RGM une spéciale Noël. Donc rendez-vous si ça vous intéresse hein, lundi à midi et à 19h. Sinon, eh bien, on se retrouve le jeudi 3 janvier. Oui, ça doit être ça. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année et on ne va pas se quitter avec le générique habituel. Il est déjà parti en vacances. On va écouter Cascada qui nous a fait une version dance du titre Last Christmas. Allez, excellente fête de fin d'année à tous. Bye bye.